J'ai pas sourire. Quand je suis dans la misère, dans mon camp, j'ai pas sourire. La sacoche, elle est chargée, si y'a les cas, j'vais courir. La sacoche, elle est chargée, si y'a les cas, j'vais courir. Donc, j'ai du cavalé, j'ai du cavalé. J'ai du cavalé, ouais, j'ai du cavalé. J'ai du cavalé, j'ai du cavalé. J'ai du cavalé, ouais, j'ai du cavalé. Ils vont beau dire que j'suis jeune, mais bon, là, j'ai des trucs à dire. J'peux pas garder ce que j'ai en moi, sinon ça serait du gâchis. 24 heures sur 24, j'ai les condés qui collent au cul. Maintenant, par regard de travers, tu prends une amende au calme. Ça part en couille, mais bon, qu'est-ce tu veux qu'on fasse? Si on commet plus de délit, putain, mais qu'est-ce tu veux qu'il passe à la télé? Fuck Zepec, j'suis un télo, véridique, pas le colo. Narchitania, combien de soeurs des gens qui baissent dans les télos? T'étais mon rêve, par du papier, t'as fait la pute. Moi-même, j'me fais plus confiance dans ce putain de bande de fils de pute. J'attends rien de personne, y'a plus personne qui me déçoit. Fuck ce monde hypocrite, tu me calcules pas, pleure pas au décès. Et le jour du procès, y'a que ma daronne devant la proc. Pourtant, si j'vais ton, y'aura délibéré, c'était mon pote. Tout le monde fait des erreurs, sinon personne n'apprend, personne évolue. T'as besoin d'oser, passe au quartier, ça sera résolu. Quand j'suis dans la misère, dans mon coin, j'sais pas sourire. Quand j'suis dans la misère, dans mon coin, j'sais pas sourire. La sacoche, elle est chargée, si y'a les cas, j'vais courir. La sacoche, elle est chargée, si y'a les cas, j'vais courir. Donc, j'ai du cavalé, j'ai du cavalé. J'ai du cavalé, ouais, j'ai du cavalé. J'ai du cavalé, j'ai du cavalé. J'ai du cavalé, ouais, j'ai du cavalé. J'ai mis carte sur table pour leur montrer ce que j'valais. La haine n'a pas bon goût, le manque d'argent, c'est dur à avaler. Tu me cours après moi, ça prend le cash, que tu me verras cavaler. Tu me cours après moi, ça prend le cash, que tu me verras cavaler. Le cul entre deux chaises, mais ça va, j'suis pépère. J'aurais toujours l'épée dans le bec, tant que j'n'aurais pas ses pères. Dis-moi qui nous a donné à manger. Maman, pardonne-moi, mais j'avoue que c'est dur de me ranger. J'ai grandi dans les bidonvilles et dans les HLM. Regarde ma tête en audition, innocent, j'ai l'air. Gros, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ici, personne sympathise, crame toujours la vérité. Moi, j'ai jamais été soutise. Au micro, je fais pas sans plan. J'ai vu des amitiés d'enfants brisées pour un billet de sang. La rue, c'est malheureux. Tu m'as lié, y'en aura. Des bécanes et des proliques, y'en a pas que dans Gomorrah. Quand j'suis dans la misère, dans mon coin, j'sais pas sourire. Quand j'suis dans la misère, dans mon coin, j'sais pas sourire. La sacoche, elle est chargée, si y'a les cas, j'vais courir. La sacoche, elle est chargée, si y'a les cas, j'vais courir. Donc, j'ai du cavalé, j'ai du cavalé. J'ai du cavalé, ouais, j'ai du cavalé. J'ai du cavalé. J'ai du cavalé, j'ai du cavalé, ouais, j'ai du cavalé. J'ai du cavalé.